grand sentiment. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime ma grand-mère. Vous m'aimez, moi, à genoux. J'en suis fou, mais ne vous à moi, je vous avoue. Pas chez moi, moi j'aime sans.